oiseaux. Il est mort ce matin, c'était mon dernier copain. Je l'ai trouvé là-bas, tout au fond du jardin, où nous partageons seuls notre pain quotidien. Rendez-vous journalier qu'il ne manquait jamais. Je ne l'attendrai plus, il m'a laissé tout seul à mon profond chagrin. Il est mort l'oiseau, il est mort ce matin, c'était mon dernier copain. Il m'éveillait au jour de ses trilles légères pour savoir si en moi la vie palpite encore. J'ouvrais vite la fenêtre pour bien le rassurer. Le regarder d'amour puis s'envoler au ciel, fêter le beau soleil. Il est mort l'oiseau, il est mort ce matin, c'était mon dernier copain. À la nuit il rentrait à ruisselle feutrée, se cacher sous les tuiles près de la cheminée. Aussi au premier froid un bon feu j'allumais, petit arbre de paix qu'il aimait partager avec un vieux monsieur. Il est mort l'oiseau, il est mort ce matin, c'était mon dernier copain. Mes yeux sont fatigués des choses de la vie, et je n'entends plus bien tous les bruits de la rue. Mais tout au fond de moi j'entends chanter l'oiseau, compagnon de misère, brisant ma solitude d'un doux rayon d'amour. Est-il mort l'oiseau que j'ai pris en mes doigts? Est-il tout au fond de moi? J'ai rêvé cette nuit que ma vie avait fui, et l'oiseau m'appelait, faisant douce sa voix, m'emportait là-bas dans un pays lointain, dont on ne revient pas, et où les beaux oiseaux, bien sûr, ne meurent.